Je ne crois pas que vous trouverez un seul chrétien qui puisse grandir sans méditer la parole de Dieu. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présente l'enseignement biblique de Charles Stanley. Trois questions nous font tous réfléchir. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Où est-ce que je m'en vais? La Bible nous fournit la seule réponse satisfaisante à ces questions existentielles. Puisque la Bible contient la pensée de Dieu, ses réponses ne s'appuient pas sur la raison, la logique ou l'observation humaine, mais sur les vérités sans âge issues du cœur de Dieu. L'avez-vous déjà lu? Ou n'avez-vous fait qu'écouter les gens qui la critiquent sans vraiment entretenir de relations avec Dieu? Aujourd'hui, Charles Stanley nous rappelle que la Bible nous offre une perspective éternelle sur chaque aspect de la vie. Bref, elle est le manuel d'instruction de notre vie. Vous en apprendrez plus en écoutant Charles Stanley. Les gens négligent de lire la parole de Dieu, sans doute pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'ils ne la comprennent pas. Et beaucoup de gens disent « Je suis une bonne personne, je ne fais de mal à personne, je vais à l'église et il m'arrive de lire la Bible. » Pourtant, ils ne comprennent pas son message. En revanche, d'autres gens ne la lisent pas et ils ne croient pas qu'ils passent à côté d'une chose importante. Ils mettent en doute son authenticité. Ils pensent qu'elle a été écrite par un groupe d'hommes qui ont réuni différents écrits et qu'il n'y a rien de particulier à ce livre. Il est rempli de mythes et de récits fictifs, peut-être légèrement teintés de vérités historiques. Mais ce n'est certainement pas un livre contenant la révélation de Dieu. Voilà leur opinion. Ils ne croient pas en la véracité de la Bible parce qu'ils n'en connaissent pas l'auteur. Cependant, quand on le connaît, ce livre prend une toute autre perspective. Ouvrons donc notre Bible dans ce qu'on pourrait appeler le texte d'or, sur la parole de Dieu. Nous pouvons le trouver dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3. Nous en commencerons la lecture au verset 14. L'apôtre Paul écrit au jeune Timothée concernant les Écritures. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On remarque que Paul énumère quelques buts pratiques de la parole de Dieu. Or, le but ultime de Dieu est de se révéler à nous. Et ce que nous connaissons de lui, nous l'avons connu par les Écritures. Mais pour en revenir à l'aspect pratique, Dieu nous a donné sa parole afin qu'elle nous soit utile. Relisons le verset 16. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. » Paul dit que la parole de Dieu au complet est utile. Il arrive que quelqu'un me dise « Moi, je suis un chrétien néo-testamentaire. » Eh bien, je suis un chrétien néo-testamentaire, moi aussi. Mais cela ne signifie pas que l'Ancien Testament est moins inspiré ou moins important. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans l'Ancien Testament? Dans cette première partie de la Bible, nous pouvons commencer à comprendre la puissance de Dieu, ses voies, comment il œuvrait dans la vie de certains individus, comment il œuvrait parmi la nation d'Israël et comment il œuvre parmi les nations aujourd'hui. Les principes énoncés dans l'Ancien Testament sont aussi vrais et s'appliquent autant à nous que les principes du Nouveau Testament. L'Ancien Testament ne concerne pas que les Juifs. L'Ancien Testament concerne chaque croyant, tout comme le Nouveau Testament. Nous avons remarqué que Paul souligne l'utilité des Écritures. Il mentionne qu'elle est utile pour quatre choses. Elle est d'abord utile pour enseigner. Sa première utilité concerne donc une saine doctrine. Beaucoup de gens vont à l'église pour écouter un message positif. Ils veulent se sentir bien dans leur peau et ils veulent seulement entendre que tout va très bien. Ils ne veulent pas que le pasteur parle du péché, mais qu'il parle plutôt de choses encourageantes. Ils veulent qu'ils leur disent que les choses s'améliorent et deviennent plus faciles. Mais en réalité, tout autour de nous s'écroule. À vrai dire, je ne vois pas pourquoi les gens écoutent ce genre de message à l'eau de rose. Car premièrement, il est faux. Les choses ne s'améliorent pas, mais elles se dégradent de plus en plus. Et jusqu'à quel point vont-elles continuer comme ça? En lisant le livre de l'Apocalypse, on peut constater qu'aucun verset ne laisse présager que les choses iront en s'améliorant. Cela ne se passera pas de cette façon. Le monde se dirige vers un désastre total et absolu. Les choses vont tellement se dégrader, selon la Bible, que Dieu devra tout réduire en cendres un jour afin de recréer la terre comme il la veut. Maintenant, je n'ai rien contre les gens qui crient et sautent pour louer le Seigneur. Au contraire, je suis tout à fait en faveur. Mais assurez-vous que vous glorifiez le Dieu des Écritures. Car ce qui se produit parfois, c'est que les gens donnent libre cours à leurs émotions. Et au lieu de se remplir de la parole de Dieu, ils se limitent à la recherche d'émotions. C'est tout ce qui importe à leurs yeux, des émotions et encore plus d'émotions. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour que nous puissions nous sentir bien. Il nous a donné sa parole pour que nous le connaissions. Et je suis le premier à reconnaître que, quand je comprends qui il est, je ne peux plus rester assis. Je ne tiens plus en place. Je dois bondir sur mes pieds et crier à la gloire du Dieu Tout-Puissant, le Souverain de l'univers. Mais je n'utilise pas Dieu comme excuse pour me défouler. L'apôtre Paul affirme que la parole de Dieu nous est d'abord révélée, sa fonction première est de nous enseigner. Il dit ensuite qu'elle est utile pour convaincre. Nous sommes toujours dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. De quoi veut-elle nous convaincre? De péché. Vous êtes-vous déjà demandé comment une personne peut vivre continuellement dans le péché pour ensuite vous regarder dans les yeux et vous dire « Je ne suis pas pire qu'un autre, je suis une bonne personne ». Mais quand un homme ou une femme entre en contact avec la parole de Dieu, que se produit-il? L'Esprit de Dieu s'empare de la parole de Dieu et l'enfonce au plus profond du cœur. Nous prenons alors conscience du point de vue de Dieu sur nos actions, nos habitudes, nos attitudes et tout ce qui nous concerne. Voilà comment Dieu opère. Il commence avec la conviction du péché. Il nous révèle les choses de notre vie qui ne devraient pas s'y trouver. Il nous révèle ces choses qui obscurcissent notre relation avec lui, ces choses qui encombrent notre vie et ces choses qui le repoussent aux extrémités de notre conscience alors qu'il veut être au centre et au cœur de notre existence. Dieu veut nous débarrasser de tout ce qui constitue un obstacle à son amour pour nous et de tout ce qui rivalise avec notre amour pour lui. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas entretenir de merveilleuses relations avec nos amis, nos parents, notre mari, notre femme ou nos enfants. Mais il tient à ce que rien ne remplace notre amour et notre dévotion pour lui. Qui peut remplacer Dieu? Nous devons comprendre que demander à nos proches de remplacer Dieu est au-delà de leur force. Dieu est le seul à pouvoir parfaitement combler notre soif d'amour, aussi grande soit-elle. Car c'est lui qui nous a créés avec cette soif insatiable d'amour afin qu'il puisse nous aimer et que nous puissions l'aimer en retour. Le but de la conviction est de me conduire à la vérité de Dieu, afin de vérifier ces aspects de ma vie où Dieu trouve des obstacles à mon obéissance pour lui. La troisième utilité des Écritures est de corriger. Toujours d'après 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la parole nous enseigne, nous convainc et nous corrige. Si Dieu nous convainc de péché, ce n'est pas pour nous culpabiliser et nous faire éprouver de la honte. Il veut nous corriger avec amour. Et quand Dieu ramène à la surface de notre pensée un aspect de notre vie non conforme à sa volonté, d'autres passages des Écritures nous indiquent comment corriger ce problème. Voilà ce que nous devons faire à ce moment pour remédier à la situation. Dieu ne veut pas nous rendre misérables, mais meilleurs. C'est pourquoi il nous corrige, comme il est écrit dans le psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. C'est le but de la Bible, et c'est pourquoi nous pouvons dire quel est notre manuel d'instruction, notre guide d'utilisation et notre livre d'études. On ne lit pas un manuel d'instruction seulement par plaisir. Il s'agit d'un livre que nous devons connaître, absorber, maîtriser. Nous faisons en sorte qu'il s'imprègne en nous et qu'il fasse partie de notre vie pour nous guider, nous protéger et nous diriger. Voilà en quoi ce livre nous est utile. Il est le livre le plus précieux à cause de sa nature. Il révèle la personne de Dieu le Père à travers son Fils, Jésus-Christ. Il nous a été donné, entre autres, pour notre correction. Mais il y a autre chose. C'est la quatrième utilité des Écritures, toujours selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous devons apprendre progressivement la vie chrétienne. Quand nous commençons à lire la parole de Dieu, nous ne sommes pas en mesure de dire, après quelques chapitres, « Voilà, j'ai tout compris !» Ce qu'il y a de merveilleux dans la parole de Dieu, c'est son amplitude. Et les versets qu'elle contient sont tellement denses qu'on peut lire un passage aujourd'hui et y revenir demain en découvrant quelque chose de nouveau. Dieu nous a livré son plan pour l'humanité dans sa parole. S'il dit que nous devons marcher selon l'Esprit, il nous dit comment faire. Quand il nous dit que Jésus-Christ est notre vie, il nous explique pourquoi. Il nous dit aussi comment marcher dans la sagesse, la lumière et l'amour. Et en lisant les Écritures, nous pouvons savoir comment vivre. De plus, Dieu nous rappelle constamment que le Saint-Esprit qui habite en nous nous rend capables d'accomplir son plan et sa volonté. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons jamais d'erreur, que nous ne trébucherons ou ne tomberons jamais, que nous ne pécherons jamais plus contre lui. Non. Mais il nous dit, dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et à mesure que nous méditons la parole de Dieu, nous grandissons dans notre vie chrétienne. Notez bien ceci. Je ne crois pas que vous trouverez un seul chrétien qui puisse grandir sans méditer la parole de Dieu. Nous pouvons maintenant noter comment l'apôtre Paul conclut ce passage de 2 Timothée chapitre 3 au verset 16 et 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel but? Il parle ici de l'utilité pratique et ultime des Écritures pour tout homme et toute femme. Verset 17. « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » À force de lire et de méditer la parole de Dieu, nous absorbons la connaissance, la sagesse et les voies de Dieu et nous arrivons à comprendre son message. Cela fait de nous des gens accomplis. Nous devenons alors en mesure d'affronter tout ce que la vie peut nous apporter, le bon comme le mauvais. Cela ne veut pas dire que nous sommes accomplis à cause de nos propres forces. Notre force vient de Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui habite en nous. La méditation de la parole de Dieu nous la rend présente dans notre pensée à chaque instant de notre vie. Nous apprenons alors à dépendre de Dieu, car lorsque nous pensons à lui et que nous faisons appel à lui, il répond toujours. Chaque enfant de Dieu, en méditant les Écritures et en cherchant à comprendre la pensée de Dieu, devient accompli et est en mesure de faire face adéquatement à toute situation, à toute circonstance, à toute épreuve, à toute tribulation et à toute peine. Il peut porter tout fardeau et éprouver la joie, la paix et le succès dans sa vie. Nous ne serons pas seulement en mesure de faire face adéquatement aux circonstances de la vie, mais nous serons aussi propres à le faire, c'est-à-dire préparés à toute bonne œuvre. L'Église devrait avoir pénétré le monde, mais il n'en est pas ainsi aujourd'hui. Au contraire, c'est le monde qui a effectué son entrée dans l'Église. Pourquoi? Parce que des hommes ont refermé la parole de Dieu, ils l'ont mise de côté, ils ont préparé leur prédication avec peu ou pas de principes bibliques, et par défaut, nous avons commencé à écouter la sagesse du monde. Portez bien attention à ce qui suit. Nous avons le choix entre vivre notre existence sur Terre selon la sagesse du monde ou selon la sagesse de Dieu. Et j'espère que vous savez déjà que la sagesse du monde est en contestation permanente avec la sagesse des Écritures. Nous devons alors prendre une décision, car personne ne peut gaspiller ses heures devant sa télévision jour après jour, semaine après semaine, année après année, en se gavant de la sagesse du monde au détriment de la parole de Dieu et espérer marcher dans la sagesse de Dieu. Mais, en lisant les Écritures, en les méditant et en demandant à Dieu de nous indiquer la bonne voie, nous nous équipons. Toute personne qui écoute de bonnes prédications, semaine après semaine, mois après mois et année après année, sera préparée à écouter toute vérité provenant de Dieu. Dieu nous donne la compréhension des choses, pas l'homme. Et Dieu utilise sa parole pour nous rendre aptes à faire face aux circonstances et nous équipe pour le servir, quelle que soit l'œuvre à laquelle il nous appelle. Pour cela, nous devons nous appuyer sur la sagesse de Dieu, non sur celle du monde. Voilà en quoi les Écritures nous sont utiles. Poursuivons notre lecture de la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous en sommes au chapitre 4, versets 1 et 2. L'apôtre Paul continue ici de donner des conseils à son disciple Timothée. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Paul prononce ces paroles car il sait que viendra un temps où les gens ne voudront plus de la sagesse de Dieu. Ils se boucheront les oreilles pour ne pas entendre la vérité. Mais Paul nous exhorte à la proclamer. Il nous supplie d'insister, de prêcher l'Évangile en toute occasion. Nous devons témoigner de la parole de Dieu non seulement à l'Église, mais aussi à nos familles, à nos collègues de travail, à nos amis et même à nos ennemis. En toute occasion, nous devons parler et témoigner de Jésus. Je répète une autre fois ce que l'apôtre Paul dit, car nous oublions souvent cette partie de son enseignement. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Paul ne nous exhorte pas à raconter des histoires drôles, ni à commenter les dernières nouvelles, ni à discuter de politique. Attention! Je ne suis pas en train de dire que rien de tout cela n'a d'importance, mais il incombe aux serviteurs de Dieu de témoigner de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler à tous les hommes. C'est pourquoi nous devons être prêts à témoigner de lui en tout temps, comme il est mentionné au verset 2. Insiste, en toute occasion, favorable ou non. Cela signifie qu'il y aura des occasions favorables pour témoigner, mais il y aura également des moments qui nous sembleront moins appropriés ou pas du tout appropriés. Peu importe. Cela ne doit pas nous arrêter. Le message de Dieu sera accepté en certaines occasions et il sera refusé en d'autres. Toutefois, Dieu nous demande de le faire dans les deux cas. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de déterminer si l'occasion de témoigner de la vérité est favorable ou non, si elle a des chances d'être acceptée et si les gens vont aimer l'entendre. Dieu nous demande de dire la vérité afin qu'elle soit entendue par tous. Et lorsque la vérité est entendue, elle édifie ceux et celles qui l'acceptent. Par contre, elle condamne ceux et celles qui la refusent. Car la lumière acceptée engendre la lumière et la lumière rejetée engendre les ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à être prêts en toute occasion. Soyons alertes et comme Timothée, nous devons comprendre l'urgence de la situation. Nous devons être prêts et faire preuve de diligence. Nous devrions être excités à l'idée de témoigner de la parole de Dieu. Elle est le seul espoir de l'humanité. Et nous devrions être excités à propos de la Bible, car elle est le seul livre qui dévoile la vérité sur Dieu et sur ce qu'il a l'intention de nous faire comprendre. Revoici ce texte, du moins ce premier verset qui nous dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » Et le verset 2 « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Quand nous parlons à d'autres personnes et que nous témoignons de la parole de Dieu, Paul nous encourage également à demeurer patients. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tous nos interlocuteurs se situent au même niveau. En d'autres mots, il ne nous appartient pas de critiquer et d'évaluer les personnes à qui nous témoignons en disant « Cette personne est meilleure ou plus spirituelle que cette autre personne. » Dieu sait où nous nous trouvons tous. Il sait aussi d'où nous venons. Et quelques-uns d'entre nous reviennent de très loin. La question est de savoir, avez-vous soif de la parole de Dieu? Voulez-vous connaître la vérité? Êtes-vous possédé d'un désir insatiable de comprendre ce Dieu que vous servez? N'allez pas croire que le Dieu Tout-Puissant vous a créé avec cette soif pour lui sans vous donner les moyens de la satisfaire. Il ne crée aucun besoin sans avoir l'intention de le combler. À présent, j'aimerais vous poser une question, et je vous demande d'être honnête. Combien de temps par semaine passez-vous à lire votre Bible, à la méditer et à réfléchir sur Dieu? Combien de temps passez-vous à lui permettre de vous parler par sa parole? Ne comptez pas sur la prédication du dimanche matin pour cela. Comptez sur le temps que vous passez seul avec votre Bible et Dieu. Je n'ai posé cette question que pour votre seul bénéfice. Dieu connaît déjà la réponse et personne d'autre ne doit obligatoirement la connaître. Écoutez-moi bien. Votre compte en banque n'a aucune importance. Ce que vous possédez n'a aucune importance. Rien au monde n'est aussi précieux que la Bible. À quoi vous serviront votre prééminence, votre prestige, votre statut? Que vaudront-ils sur votre lit de mort? Absolument rien. Même si les foules se pressent à vos funérailles, que pourront-elles pour vous? Vous ne serez plus. Toutes ces choses que vous aurez accumulées dans votre vie pourront-elles alors vous assurer joie et bonheur? Et sans attendre jusque-là, qu'arrivera-t-il lorsque votre vie basculera et que vous ferez face à des situations et à des circonstances d'une douleur insoutenable? À quoi vous serviront toutes ces choses? Et quand votre corps ne sera plus qu'un amas de chair inutile, engourdi par la morphine sur un lit d'hôpital, quand les docteurs auront fait tout ce qui est en leur pouvoir pour vous, et que votre vie ne tiendra plus qu'à un fil, à quoi vous serviront toutes ces choses? À rien. Combien de fois suis-je entré dans la chambre d'hôpital d'une personne qui se savait condamnée, et quand j'ouvrais la parole de Dieu pour leur lire, leur visage changeait. Combien de fois ai-je présidé à des funérailles? Dans le cercueil, la dépouille d'un être aimé. Au premier rang, en pleure toute la famille. Au début du service, ils entrent et s'assoient. L'air est lourd et la douleur perceptible. J'ouvre alors la parole de Dieu. Je me mets à parler de Jésus. Je parle de choses que je reconnais être vraies. Je parle de choses que Dieu lui-même a authentifiées comme étant vraies. Je parle de la présence de Dieu, de son réconfort, de son assurance, du ciel, de la vie éternelle, de la résurrection du corps et du fait qu'on ne met pas un enfant de Dieu dans un cercueil, on y place seulement sa dépouille mortelle. La personne que ces gens que je décris ont aimée est maintenant absente de ce corps et se trouve auprès du Seigneur. Combien de fois me suis-je tenu là à parler du Seigneur Jésus-Christ devant tous ces visages? Et doucement, imperceptiblement, les visages sombres et tristes, les regards vides et les yeux abîmés par les larmes étincellent à nouveau. Les joues reprennent leur couleur, les traits tirés se détendent. L'expression du visage et le maintien du corps changent, et ces mêmes gens ressortent de la salle transformés. Pourquoi? Cela n'a rien à voir avec un homme. Il s'agit de la puissance du message de l'Évangile de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire encore ceci. Si votre philosophie de vie sera inutile quand vous serez mort, on peut conclure qu'elle ne vous est d'aucune utilité actuellement. Je vous conseille donc de trouver autre chose. Cherchez des principes de vie qui fonctionnent, car nous devrons tous mourir un jour. Et vous n'obtiendrez pas de deuxième chance. La Bible affirme, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Vous vivez présentement votre unique chance de vivre au paradis pour l'éternité. La puissance de la parole de Dieu demeure dans la vie comme dans la mort. Et si votre philosophie de vie ne peut pas en dire autant, il serait peut-être temps de la changer et de trouver mieux dans la Bible. La Bible est la vérité de Dieu. Elle est le fondement sur lequel toute personne peut bâtir une vie dynamique. Charles Stanley, aujourd'hui, vous a encouragé à la lire, à la méditer et à en absorber les vérités quotidiennement. Le psaume 119 contient de précieux enseignements sur l'importance de la parole de Dieu. Nous commencerons notre lecture au verset 98. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.